Double X on the track, bitch. J'ai jamais aimé les keufs, j'ai fait chanter les meufs devant Hilary Duff. Passe la puff, enfoiré. Y'a tous mes rats qui m'attendent, mais ton plus beau scaphandre, j'suis un alligator. Merci la France, merci la famille. J'me sens exclu depuis la cantine. Y'a eu 5-6 filles, j'ai fait des sacrifices. Faudrait que ça me suffise de rêver de cette tasse dans un palais. Même si quand j'me réveille, t'es pas là. Mon poteau m'a dit, t'inquiète, ça va aller. Avec un extra au fond du palais. Mon daron m'a dit, on est tous concernés. Le cœur brisé comme Vianney. J'ai sauté la falaise. Je croyais faire ce qu'il fallait. La santé c'est une denrée rare, ouais. Si je la casse, qui la répare? À poil comme Larry Clark. Elle la réclame. Et à chaque fois qu'on arrive on les voit à ricane. Pourtant on fait que s'allumer comme un jerrycan. Tu nous as pas trop vu traîner dans les festivals. Sorry Dour, sorry Cannes. Posé au milieu du désert comme un suricate. J'ai pas fait de la musique pour baiser les poussicates. Je suis tellement free, je deviens croustillant. Va te cacher dans ton coquillage. Moi, j'ai jamais mangé au crous ma gueule. On sait ce qu'elles veulent ma gueule. Faire les courses ma gueule. Et pas au Lidl. Le ski, balavoine, Jodassin ou Clo-Clo. On choisit pas son avenir en faisant un plouf plouf. J'ai tellement baisé le game, c'est devenu mon doudou. Tu trouves ça dur, pour moi c'était tout doux. Mais ça fait aucun doute, on a tous grandi avec les moyens du bord et ce qu'on avait dans le cœur. Toute la journée dans la street sous Johnny Walker. On arrivait d'être riche et de Clara Morgan. Si mes rêves se réalisaient, je pourrais péter un cap. Faire pleurer ma mère, rendre mes potos inquiets. J'ai quitté des faux frères, ils m'ont jamais manqué. J'ai quitté des gros chiens, ils m'ont jamais manqué. De toute façon, tout ça c'est de la guide. Je m'en bats les couilles d'être haï. Rajoute la sauce magie. Je fais un tour de magie. Souvent en bonne compagnie. J'fume du shit comme Florent Pagny. Hat-trick comme Inzaghi. Shoot le patron comme Maggie.